Cette meuf est sexy, bébé, son poule rend débile. Bébé, mon cœur qui chavire. Bébé, je la prends pour la vie. Bébé, arrange-moi le coup, c'est elle que je veux. Ta copine est top, c'est elle que je veux. Arrange-moi le coup, c'est elle que je veux. Ta copine est top, c'est elle que je veux. Ma copine est jolie, elle recherche un homme. Si t'as pas le charme et le charisme, faut bomber le temps.